tout d'abord, permettez-moi de vous dire, au nom de toute l'équipe de La Fabrique de l'Histoire, tout le plaisir que nous avons de vous retrouver pour cette nouvelle saison de La Fabrique de l'Histoire qui débute par une série sur l'anarchie. Demain, le documentaire de Séverine Yatar et Véronique Samouilov s'intéressera à la figure de l'anarchiste Germaine Berton. Mercredi, nous évoquerons l'anarchisme espagnol. Et jeudi, nous poserons la question de savoir s'il y eut une internationale anarchiste. Et aujourd'hui, nous avons décidé logiquement de nous intéresser au tout début de ce mouvement politique, l'anarchie, en nous intéressant à la deuxième moitié du 19e siècle, quand l'anarchisme était un des courants du mouvement ouvrier naissant. Nous le ferons avec Séverine Yatar de La Fabrique de l'Histoire, qui s'est passionnée pour ce thème, et Marianne Henkel, qui est historienne au CIRA à Lausanne. Elle a participé évidemment et coordonné le dictionnaire qui s'intitule Les anarchistes dans la collection Le Métron, donc aux éditions de l'Atelier, dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone, et avec Mathieu Léonard, qui est auteur à la Fabrique Édition de L'émancipation des travailleurs, une histoire de la première internationale. Bonjour Séverine Yatar. Bonjour Emmanuel. Voilà, nous sommes à nouveau ensemble pour une nouvelle saison de La Fabrique de l'Histoire. Et aujourd'hui avec Mathieu Léonard, bonjour. Bonjour. Et Marianne Henkel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ouvrir cette saison et pour parler de l'anarchisme qui est votre sujet de prédilection. Puisque qu'est-ce que le CIRA en l'occurrence, Marianne Henkel? Alors le CIRA, c'est un nom très pompeux, Centre International de Recherche sur l'Anarchisme, qui existe depuis plus de 50 ans, qui a commencé tout petit et qui récolte, en fait, qui conserve et met à disposition la mémoire de l'anarchisme dans le monde entier. On a beaucoup de livres et de périodiques et de brochures qui sont vraiment l'instrument de propagande des anarchistes, et puis des archives, des documents, des films, des enregistrements. Alors la particularité, c'est que on fonctionne sans budget, c'est-à-dire que tout ce que nous avons, c'est des cadeaux des éditeurs, des auteurs, de quelques voleurs, des amis, et tout le personnel qui est assez professionnel de plus en plus et bénévole. Oui, alors ça se situe à Lausanne, en Suisse, oui. Et d'une certaine façon, quand on vous lit et quand on lit la naissance du mouvement anarchiste, on se dit, ça n'est pas totalement pour rien que ça se situe en Suisse. Bon, parce qu'il y a quelque chose aussi d'une matrice, disons, jurassienne ou d'une matrice suisse, donc de cet anarchisme dont on va parler aujourd'hui. Bien entendu, mais la tradition s'était interrompue, il y a eu des... Voilà. La Suisse, c'est aussi un endroit où on a supposé que la documentation anarchiste était dans une certaine sécurité. Il n'y avait pas trop de risques de coup d'État ou de répression, de saisie. Ça permettait aussi, et puis ensuite c'est un lieu un peu central en Europe, donc ça permet à des chercheurs et des chercheuses de venir assez aisément, même si c'est coûteux, travailler sur place et étudier. Alors, quand on s'intéresse à cette naissance des mouvements anarchistes, il faut s'intéresser à quelle période exactement? Qu'est-ce que vous placeriez comme première borne chronologique qui permettrait de mieux comprendre la naissance et le développement de ce mouvement, qui est une des tendances du mouvement ouvrier au 19e siècle? Voilà, je pense que l'idée de l'anarchie ou de l'anarchisme même, elle est ancienne, elle est développée dans l'histoire, elle est surtout développée par Proudhon en France au milieu du 19e siècle. Mais ce qu'on appelle le mouvement anarchiste, il est vraiment issu de cette période des années 1860 où les ouvriers essayent de s'organiser un peu partout dans le monde, premièrement en Europe où il y a quand même des usines. Ils ont des contacts les uns avec les autres, ils voyagent, ils échangent, ils publient des journaux qui se lisent. Et c'est tout un historien qui a dit qu'il y a une série de groupements multicolores. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de parti ouvrier, il n'y a pas de syndicat. Mm-hmm. Donc tout ça doit s'inventer, et s'identifier, se chercher. Et peu à peu, il va en sortir le courant anarchiste, le courant socialiste, le courant réformiste, etc. Et en tous les cas, enfin, une date importante qui va évidemment alimenter ce mouvement à travers des conflits, c'est évidemment la fondation en 1864 de la première internationale, Mathieu Léonard, des travailleurs, hein, donc point de rencontre, réseau de coordination, de coopération, enfin en tous les cas c'est la vocation qu'il se donne, avec Marx plus ou moins à sa tête, on pourra y revenir, qui va se mettre en place donc à cette période-là. Oui, oui, certainement, mais moi je voudrais revenir juste un petit peu sur la complexité lexicale même du mot anarchie qui est donc un vocable négatif construit par une négation et qui a d'abord servi à l'ordre établi pour discréditer tout ce qui vient le contredire. Notamment sous le Directoire, hein, je crois, Mathieu. Oui, oui, déjà sous la Révolution anglaise en 1640, les tendances hérétiques des Diggers, etc., étaient désignées comme des anarchistes. Donc il s'est pas d'abord constitué comme un mouvement politique, il s'est constitué un peu comme un stigmate, hein, finalement. Mais il a été revendiqué, il a commencé à être revendiqué, effectivement, à partir du milieu du 19e siècle par des gens comme Proudhon, mais c'est pas le seul, hein, il y a Anselme Belgari qui fonde un journal qui s'appelle l'Anarchie, Journal de l'Ordre en 1848. Et pour ces théoriciens, ils renversent en fait le stigmate et ils disent non, nous, l'anarchie pour nous, c'était pas le désordre, la destruction, etc. C'est au contraire une autre expression de l'ordre. C'est une expression qui revient souvent chez les théoriciens anarchistes, chez Kropotkine ou Élisée Reclus, la plus haute expression de l'ordre, etc. Donc c'est pour dire que ce qui fait désordre dans la société, c'est pas la société elle-même, c'est justement tous les éléments parasites de la société, à savoir l'accaparement des richesses, l'autorité en premier lieu, l'exploitation, le despotisme, la guerre. Donc les anarchistes finalement revendiquent une forme d'harmonie sociale par le bas, hein, qui puisse se substituer à l'oppression des États et du capitalisme. Donc il y a évidemment c'est très très ancien, hein, c'est la résistance à l'autorité qu'on peut remonter à la nuit des temps, enfin de l'humanité en tout cas. Et il y a effectivement des influences théoriques, hein, qu'on peut trouver aussi bien dans les Lumières ou chez quelqu'un comme Étienne de la Boétie, et chez Proudhon qui le premier développe toute une série de concepts, hein, le fédéralisme, le mutualisme, la coopération, etc., qui vont influencer le mouvement ouvrier en 1848, mais comme beaucoup de socialistes, hein, comme les socialistes utopiques, Fourier, Cabet, etc. Donc il y a un vivier ouvrier qui s'intéresse à ces idées-là, hein, et la première internationale, enfin en tout cas l'Association internationale des travailleurs 1864. En 1864, quand elle se crée, elle hérite un peu de toutes ces tendances, de tout ce foisonnement du théorique. Socialisme théorique, mais elle ne se construit pas sur un rapport idéologique, sur un rapport direct à l'idée. Elle se construit d'abord comme une nécessité de la classe ouvrière de s'organiser, bien sûr avec des tendances diverses, hein, les mutualistes, les socialistes allemands, dont Marx, effectivement, qui participe à la fondation, mais qui n'en est pas du tout le fondateur, hein. C'est vraiment en gros c'est l'échange, la correspondance et la rencontre entre les traits d'union de Sanglais et une partie du mouvement ouvrier parisien qui sont effectivement très influencés par Proudhon, qui jette les bases en fait de ce qui va devenir l'AIT, mais qui est jusque tournant des années 60, d'abord une plateforme de discussion et de congrès pour élaborer des idées très platoniques, très grandiloquentes, hein, pour la fraternité des peuples, et aussi concrètement pour organiser, synchroniser la classe ouvrière face à une mondialisation qui crée des désordres aussi dans le monde du travail. La mondialisation due évidemment à la révolution aussi industrielle, hein, pour remettre tout cela en contexte. L'anarchisme naît évidemment de... Oui, dans un contexte donc de révolution industrielle. Et évidemment, Marianne Henkel, cette pensée ouvrière ne peut pas se penser, visiblement, quand on vous lit, autrement que dans le cadre international. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des écoles nationales qui vont partager ensemble et qui vont finalement se fondre les unes avec les autres? Ou est-ce que dès le départ, tout cela est pensé, puisque c'est l'Association internationale des travailleurs qui est construite en 1864 pour la première fois, qui aura des nombreux congrès, est-ce que c'est d'ores et déjà pour penser comme une organisation internationale. Je pense qu'il y a des... C'est international. Après, il y a des... Dans certains pays, il y a des organisations ou des formes d'organisation relativement fortes. Mathieu Léonard citait les trade unions anglais qui existent depuis longtemps, qui ont une pratique, qui ont beaucoup de membres, qui ont beaucoup de gens. Il y a la social-démocratie allemande qui est en train de se mettre en place. Il y a les proudhoniens français qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs tendances. Mais et puis, dans les autres pays, il y a peut-être moins d'identité à ce moment-là. Donc, c'est plus tout est à créer, que ce soit en Suisse, en Espagne, en Italie notamment, qui sont en Belgique. Tout est à inventer, donc l'internationalisme est plus immédiat peut-être. C'est aussi des pays, la Suisse aura bientôt beaucoup de réfugiés de la Commune, mais auparavant il y a beaucoup de réfugiés de 48, parce que la Suisse est un des seuls pays où c'est le libéralisme qui a gagné en 48, donc elle a accueilli des Allemands, des Français, des Russes, un peu pas tout à fait comme actuellement. Il y a un débat d'idées international en Suisse, en Belgique aussi, bien sûr, et en Angleterre aussi, puisqu'il y a une forte communauté, en particulier d'opposants à Napoléon III. C'est vraiment deux mondes assez différents, je pense. Les Français de Londres, ils parlent français entre eux, ils ont leur réseau. Les ouvriers anglais, ils ont leur propre réseau. Mais je pense que l'idée internationale, la solidarité, le soutien en cas de grève, le boycott des usines en grève, etc., c'est tout immédiatement mis en pratique. Et d'ailleurs, un des premiers motifs de se rassembler aussi, de défendre par exemple les Polonais contre l'Empire russe, en l'occurrence, dès le départ en 1864. Oui, il y a cet héritage et ce renouveau démocratique des peuples, etc. Après le reflux de la répression de 1848, il y a à nouveau finalement cette idée de soutenir les luttes aussi de libération nationale, comme les premiers toasts entre les Anglais et les trade unions anglais et les ouvriers français. C'est à l'occasion d'une conférence pour le soutien à la Pologne en 63. Et plus tard, ça sera la question irlandaise ou la question italienne. La question italienne, etc. Oui. De l'unification italienne, qui rentreront en ligne de compte avec effectivement à chaque fois des héros qui seront présentés. Évidemment, oui, il y a cet univers de résistance, enfin en tout cas de combat contre les autocraties, contre les empires constitués. Il y a cette volonté d'une fraternité des peuples contre la Sainte Alliance des empires. Donc ça, c'est très important dans le climat politique de l'époque. Et ces associations ouvrières, alors bon, au départ anarchistes ou pas anarchistes, hein, d'ailleurs, sont évidemment assez rapidement surveillés, réprimés par le pouvoir. Enfin, il est autorisé de se rassembler. Alors, pour parler de la France, il y a deux périodes. On est au tournant de l'Empire libéral, donc il y a au début des sections parisiennes de l'Internationale, il y a un soupçon que ces sections soient une manœuvre de l'Empire pour détourner les ouvriers du camp républicain et les attirer finalement vers l'Empire. Il y a un doute qui plane sur les intentions de certains leaders ouvriers, etc. Donc il y a plutôt une tolérance, une bienveillance. Mais les choses vont tourner assez rapidement, puisque l'Empire libéralise le droit de coalition, hein, qui était interdit depuis la loi Le Chapelier. Donc, à la faveur de grèves, notamment de la grève des bronziers à Paris, des ouvriers bronziers à Paris, se met en place une solidarité internationale où on active des caisses de résistance en Angleterre, en Suisse, etc. Et on assiste à une grève victorieuse finalement. Et là, le pouvoir se rend compte que effectivement, il y a peut-être une menace sociale de voir gonfler en fait cette puissance sociale. Et puis après, c'est surtout le fait que les ouvriers vont se mêler de politique. Ça, c'est ce que l'Empire va pas supporter, hein, puisqu'ils soutiennent notamment Garibaldi, etc. Enfin, des choses qui vont à l'encontre de la politique de l'Empire. Donc il y a peu à peu, l'international va être vécu, va être senti comme un réel danger y compris en France. Parce qu'elle peut inciter justement à la révolution. Enfin, au départ, elle est plutôt dans une. Elle propose ou enfin elle préconise, on va dire, la solidarité, la coopération entre les ouvriers, le rassemblement potentiellement, elle peut inciter à la révolution. Oui, voilà. Et puis, à la fin des années 1860, il y aura trois procès du deuxième bureau de l'internationale parisienne, avec Varlin, Benoît Malon, etc. Là, on a vu que les tendances dominantes ont changé. C'est-à-dire qu'au début, on a affaire à des proudhoniens. Enfin, il y a déjà Varlin et tout ça, mais on a affaire à des proudhoniens comme Tolin, etc., qui sont plutôt très légalistes et qui veulent pas se mêler de politique. Ils veulent juste se mêler d'une façon d'organiser la classe ouvrière d'une façon mutualiste, en coopérative, etc. Donc c'est un projet très très légaliste qui doit se faire sans violence et surtout pas se mêler aux affaires révolutionnaires de l'époque, quoi. Mais avec Varlin et Eugène Varlin, oui, d'accord, qui est un des grands organisateurs du mouvement ouvrier à l'époque et qui sera tué sous la Commune, hein, pendant la semaine sanglante sur la butte Montmartre. Il y a cette volonté finalement de plus offensive, plus révolutionnaire. Et il y a la revendication d'être collectiviste, c'est-à-dire on n'est plus mutualiste, on n'est plus coopérateur, on est collectiviste et on veut vraiment s'emparer des moyens de production. Et de la question de l'État, on verra, on va y revenir. Marianne Henkel, si on est justement en train de définir ces débuts qui sont un peu proliférants, pourrait-on dire, de ce mouvement ou de ces mouvements anarchistes, il faut peut-être dire aussi la différence que l'on fait. En fait-on d'ailleurs une différence entre anarchiste et libertaire? Le terme de libertaire, on sait qu'il a inventé. Je crois que c'est un certain Joseph Déjacques qui a inventé ce terme-là. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que dès le début, c'est la même chose? Est-ce qu'ensuite, il y a des divergences d'interprétation? Ou est-ce que c'est le même type de mouvement? Je crois qu'il y a des nuances infinies. Il y a des défenseurs de toutes les positions possibles et imaginables, l'anarchisme avec adjectif ou sans adjectif, anarchiste collectiviste ou communiste, etc. Mais le terme libertaire est pas vraiment utilisé à l'époque dans le mouvement ouvrier. Mmh. Mais le terme anarchiste non plus. Oui, c'est ça, il faut le dire. Vraiment après 1872, donc ouais. À un moment où l'international est sur le déclin et où les tendances politiques vont prendre le dessus sur cette tentative d'unité et de diversité ouvrière. Mais comment cela se précise-t-il d'une certaine façon, ces tendances à l'intérieur de l'Association internationale des travailleurs, Mathieu Léonard? C'est-à-dire, au début, on voit une volonté de fusion, de se rassembler, et puis progressivement, quand on lit votre livre « L'émancipation des travailleurs, une histoire de la première internationale », on s'aperçoit que progressivement, des luttes de pouvoir, des jeux de personnes, des jeux théoriques aussi, des intentions théoriques, vont faire diverger ce mouvement qui se voulait unificateur. Oui, dans un premier temps, c'est vraiment les congrès, les rapports, c'est vraiment une période de recherche et d'élaboration de plateformes et de programmes pour la classe ouvrière, hein, et de recueillir les doléances, d'évaluer la situation ouvrière de l'époque. Et évidemment, il y a un jeu théorique qui se joue, qui n'est pas clair, qui n'est pas défini, hein. C'est pour ça que Marianne Henkel disait que le mot anarchiste, ou l'anarchisme même, c'est un mot finalement tardif, hein, qui vient plus tard dans les années 1870. Et alors on y perd un peu son latin si on s'intéresse vraiment au lexique de l'époque, parce qu'il y a les collectivistes, les mutualistes, il y a les socialistes, les sociodémocrates. Est-ce que à un moment les collectivistes anti-autoritaires, ceux qui s'opposent évidemment aux solutions étatiques par le haut et qui veulent organiser les moyens de production par la base, hein, par les producteurs eux-mêmes, et après tout un tas de mots qui arrivent, des communalistes, ceux qui pensent que la commune est centrale dans l'organisation d'une nouvelle société, etc. Donc il y a toute une bataille de vocables qui se font. Le mot communiste est assez ambigu à l'époque parce qu'il désigne quand même quelque chose d'assez autoritaire. Et puis finalement, il sera récupéré aussi par Kropotkin un peu plus tard comme communiste avec accolé à l'adjectif libertaire, alors qu'il était rejeté par Bakounine. Donc si on veut s'intéresser juste aux vocables, c'est assez compliqué. D'ailleurs, il faut parler de cette figure de Bakounine, évidemment, hein, qui est un peu le premier théoricien, suivra ensuite justement Kropotkin de l'anarchisme et qui va s'opposer à Marx et en fondant, oui, mettant en place une autre fédération rivale. Il y a des moments où il y a une opposition frontale entre eux, mais je pense que surtout il y a une évolution tant chez l'un que chez l'autre en se frottant avec la réalité. Sur les moyens pour parvenir, c'est ça. Oui, alors Bakounine, c'est un personnage foisonnant, quel diable au corps, qui a fait toutes les révolutions d'Europe, les barricades, la prison. Qui a cru au nationalisme, disons au mouvement des nations aux alentours de 1848, qui en est revenu d'une certaine façon, qui a été exilé en Italie, puis en Suisse. C'est un grand voyageur. Hein, c'est un grand voyageur. Par nécessité, oui, c'est quoi. C'est un exilé perpétuel, et en même temps c'est quelqu'un qui est partout chez lui, qui fraternise avec les gens qu'il rencontre. Et, alors qu'il fonctionne aussi de manière un peu, qu'aime bien la clandestinité. Les fraternités secrètes. Voilà, les carbonari et toutes ces traditions-là. Et puis, je pense que quand il arrive en Suisse, il est basé à Genève d'abord, et puis il est invité dans le Jura, dans ce milieu très particulier d'ouvriers horlogers à domicile. Qui sont pas des artisans qui font des belles montres, ils font des pièces uniques. Il y en a un qui fait un cadran, l'autre qui fait une aiguille, l'autre qui fait un ressort. Enfin, c'est vraiment un travail très émietté. Mais en même temps spécialisé. Mais c'est en même temps une des premières vraies rencontres de Bakounine avec un monde ouvrier. Il parle dans les villages des montagnes neuchâteloises et du Jura. Il se trouve avec des ouvriers, des familles ouvrières aussi, dans les soirées familiales et tout ça. Et il se trouve avec des gens qui ont une expérience de vie, une expérience d'auto-organisation dans des villages, dans des petites communes de défense. Eux rencontrent quelqu'un qui a une expérience internationale, révolutionnaire, et tout ça. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a un déclic où il y a un échange qui se passe et qui va vraiment donner lieu au développement du mouvement anarchiste en tant que tel. C'est Brignata. Et justement, vous dites, Marianne Hinkel, aussi que ces ouvriers sont à la fois font un travail émietté, mais en même temps, c'est aussi un peu l'aristocratie, peut-être du prolétariat, entre guillemets. Enfin, alors, dans tous les cas, voilà. Et c'était pas pour rien. Alors, dans quelle mesure, ça, justement, ça va prendre d'une certaine manière il faut pas se leurrer sur le terme d'aristocratie. Bakounine lui-même disait des ouvriers du Jura, vous êtes plus riches que beaucoup d'autres, mais ils sont mal payés, ils ont beaucoup de chômage, ils ont un travail saisonnier, ils vivent dans des casernes ouvrières. Faut pas avoir une vision idyllique de vulnérables aux crises. Ouais. Et oui, ils sont vulnérables aux crises aussi. Ouais. Donc ils ont plus de liberté civique, si on veut, de liberté formelle que pas mal d'autres gens en Europe ou d'autres gens que Bakounine a rencontrés. Ils ont des métiers peu qualifiés, peu de salaire, des conditions de vie misérables. Mais leur richesse, c'est vraiment parce que ils réfléchissent, parce qu'ils discutent, parce qu'ils ont beaucoup d'organisation, de socialité. Il y a des chorales, il y a des sociétés de secours mutuels, il y a des coopératives, il y a des clubs ouvriers. Donc c'est ça la richesse. Alors, Mathieu Léonard, sur quoi va se cristalliser l'opposition entre Marx et Bakounine au sein de cette Association internationale des travailleurs, donc la première internationale, cristallisation aussi qu'il y avait eu entre la pensée de Proudhon et la pensée de Marx dès le départ, alors que Marx avait rendu grâce à certains des travaux de Proudhon et qu'il avait une amitié, au tout départ en tous les cas, avec Bakounine, qui avait même espéré pouvoir faire quelque alliance à l'intérieur de cette Association internationale des travailleurs pour contrer les proudhoniens qu'il n'aimait pas beaucoup en l'occurrence. Qu'est-ce qui se passe justement pour que Marx s'oppose à l'un d'abord, qui meurt très vite puisqu'il meurt en 1865, Proudhon, et à l'autre ensuite, là, la querelle est plus longue. Oui, Marx avait mené une contradiction contre un livre de Proudhon, Philosophie de la misère. Il avait misère de la philosophie. Misère de la philosophie, avec un certain sarcasme qui faisait sa réputation d'ailleurs, parce que Marx, à qui ne s'est pas fâché, si on regarde un peu son parcours. Mais oui, alors Bakounine arrive dans l'international autour de 18, en quittant la Ligue pour la paix, justement, comme vous disiez, en rompant avec tout un tas de révolutionnaire bourgeois, en adhérant comme ça à l'idée de l'international, il rencontre Marx d'ailleurs. Mais il a créé lui-même une sorte d'international. Il est obligé de la faire disparaître. Enfin, il a créé son alliance démocratique. Une alliance. Oui, alors il crée plusieurs réseaux, des sociétés plus ou moins secrètes, etc. Il y a l'alliance démocratique qui au départ n'est pas une société secrète, mais qui est simplement une composante comme beaucoup de composantes à l'époque, des sections peuvent revendiquer leur adhésion à l'international. Oui, mais on lui demande tout de même de dissoudre son alliance parce que on pense que ça peut faire de l'ombre à l'Association internationale des travailleurs. Dans un premier temps, oui, on lui demande de réviser son programme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un programme concurrent à l'intérieur même de l'international. Donc évidemment, il est rapidement soupçonné de vouloir créer un État dans l'État et de vouloir appliquer un programme particulier au sein de l'international. Mais c'est un peu un faux débat parce que les tendances existent, les idées sont multiples. Enfin, il n'y a pas d'hégémonie d'une pensée à ce moment-là. Mais bon, il y a déjà cette méfiance vis-à-vis de Bakounine et puis bon, qui va se cristalliser effectivement. Alors il y a un aspect sur lequel on a souvent insisté d'une querelle au sommet, un combat des chefs entre deux personnalités, deux grands hommes en fait, etc. Je ne sais pas s'il faut insister là-dessus, mais c'est intéressant. Enfin, ça existe dans psychologisant, vous voulez dire. Voilà, ça existe dans l'imaginaire en tout cas, et d'une certaine façon, Bakounine le résume. Il dit à propos de Marx, il m'appelait un idéaliste sentimental et il avait raison. Je l'appelais un vaniteux, perfide et sournois et j'avais raison aussi. Donc voilà, on laisse de côté cet aspect psychologique. Et après, pour s'intéresser peut-être effectivement à ce qui oppose, mais aspect psychologique qui est quand même très, qui a des effets, qui a pas des effets sur l'international, mais qui a des effets sur finalement le moment de délitement au Congrès de La Haye, etc. Après la Commune, mais qui monte petit à petit en puissance comme une animosité indépassable. Mais bon, réellement la question qui les oppose, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'international. Est-ce qu'on en fait est-ce qu'on va vers l'organisation centralisée de l'international ou est-ce qu'on respecte l'autonomie des groupes? Est-ce qu'on va vers une forme de parti politique ou en tout cas de centralisation et de voie unique vers la politique, ou est-ce qu'on respecte l'autonomie sociale de la classe ouvrière? Enfin, c'est la question de l'État quand même qui est au centre, c'est-à-dire destruction de l'État ou pas destruction de l'État, participation politique ou non participation politique. C'est que évidemment il faut insister sur ce point qui est central dans la théorie anarchiste, c'est que les anarchistes refusent la prise du pouvoir politique, refusent l'État, veulent abolir l'État. Je veux l'abolition de l'État, écrit Bakounine. Avec des intuitions assez grandes, hein. Bakounine, il dit, prenez n'importe quel révolutionnaire, le plus radical de tous les révolutionnaires, mettez-le sur le trône de Russie, et en un an, il deviendra pire que le tsar. Donc il a vraiment... Pire que le Stal, vous allez dire. C'est lapsus. Il a vraiment cette intuition que l'État ne peut pas se réformer, que l'État est forcément soit un jeu bourgeois qui va entraîner la classe ouvrière sur un terrain qui n'est pas le sien, soit au pire, un jeu autoritaire qui va imposer une nouvelle forme de despotisme. Et puis, Marianne Henkel, on voit bien aussi qu'il y a des débats qui, à chaque congrès donc de l'Association internationale des travailleurs, donc créée en 1864, vont alimenter la querelle d'une certaine façon, un débat sur la question de l'héritage, un débat sur est-ce qu'il faut abolir l'héritage, par exemple. Un débat sur la collectivisation des terres, sur le fait est-ce qu'il faut que les petits propriétaires restent petits propriétaires de leurs terres ou est-ce qu'il faut au contraire que ces terres soient étatisées, etc. Et tous ces débats sont à chaque fois réalimentent la querelle, si vous voulez, entre les uns et les autres, les anti-autoritaires. Alors, on peut les lire comme ça. C'est clair qu'il y a aussi des gens qui ont des désirs hégémoniques, qui veulent comploter, qui essayent d'avoir un camp plus fort que l'autre. Mais on peut Moi, je préfère les lire comme justement des débats de clarification, de progrès dans les idées, de qu'est-ce que c'est les coopératives, c'est très bien, mais est-ce que c'est révolutionnaire ou est-ce que c'est réformiste, intégré par le système, la propriété collective de chacun selon ses moyens. À chacun selon ses besoins. Est-ce que c'est lié à jouissance collective des biens, à chacun selon ses besoins, ou est-ce que les instruments de production et décide lui-même s'il va, ce qu'il va en faire, etc. Une des questions vraiment intéressantes, c'est par exemple la question des services publics. Dans la société future, qui est-ce qui assurera les services publics? C'est des questions que posait déjà Fourier avec les enfants qui vidaient les poubelles ou chacun qui fait des travaux en kikinant. Et là, est-ce que les services publics peuvent être gérés par les associations, par les communes, par les quartiers? Ou doivent-elles l'être par l'État? Ou est-ce que ça doit être par en haut, avec des décisions? Donc tout ça, c'est des questions de société qui sont essentielles, qui sont fondamentales. Alors les réduire à des combats de tendance, je trouve que c'est un peu réducteur. Et c'est un peu comme ça qu'on les a lus quand on fait une histoire un peu idéologique. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Détruit d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Le triomphe de l'anarchie, composé par Charles Davray et interprété par les Quatre Barbus. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, consacrée toute cette semaine jusqu'à jeudi à la question de l'anarchisme, des mouvements anarchistes, parce qu'il y a eu plusieurs tendances à l'intérieur de ce mouvement anarchiste. Et nous parlons pour l'instant de la naissance de l'anarchisme avec Séverine Yatar, Marianne Henkel et avec vous Mathieu Léonard. Séverine Yatar. Oui, il y a aussi des événements, évidemment, qui vont obliger ces mouvements ouvriers ou anarchistes à se positionner, à réfléchir autrement cette problématique du mouvement ouvrier. Alors je pense évidemment aux grandes grèves des années 67, 68, 69 en Angleterre, en France et à Bâle, et puis bien sûr la commune où là il va y avoir une opposition entre ceux qui comme Bakounine veulent intervenir et puis l'AIT qui se met en retrait. Alors l'AIT au moment de la Commune, elle est un peu exempte, c'est-à-dire qu'elle a subi des grèves, comme vous disiez, de 69 à 70, et elle a plus de jus en gros, quoi. Donc individuellement, les membres de l'Internationale, Varlin, Albertès, Benoît Malon, Gustave Lefrançais, etc., vont participer à la Commune, mais comme force politique, elle est. Il n'y a pas de mot d'ordre en tous les cas. Non, elle est inopérante. D'ailleurs. Auparavant, il y a eu la guerre, donc la guerre qui franco-prussienne, qui pose un gros problème à l'international, c'est-à-dire comment la classe ouvrière doit-elle réagir face à la guerre. Donc il y a déjà cette question du pacifisme de la classe ouvrière qui est mis à mal. Est-ce qu'il faut faire une grève générale? Enfin, ça se posait pas. Une guerre populaire révolutionnaire. Ouais, voilà, ça se posait pas complètement dans ces termes, mais enfin, il y avait déjà cette idée-là. Alors, par exemple, Marx est absolument opposé à ce que les ouvriers allemands résistent d'une manière ou quelle que soit la manière. Enfin, selon le moment de la guerre, sa position va un peu évoluer. Mais donc oui, tout ça met à mal l'international et du coup l'international n'agit pas directement au sein de la commune, même si on ressent son influence à travers certaines personnalités, Frankel, Varlin que j'ai cité, etc. Mais il y a des tentatives, par exemple Bakounine à Lyon, lui, qui vont échouer, mais va s'inscrire dans un comité révolutionnaire, voilà, oui. Avec une tentative de prise de pouvoir. Ça c'est au début de la guerre, donc voilà. C'est vraiment une manière de la commune contre contre la guerre. Et là, il y aura l'opposition de Marx, clairement, par rapport à cette... Qui va ridiculiser un peu cette, cette première tentative qui est... C'est une occasion de sarcasme de plus, mais c'est... Mais il y a aussi la question de quand est-ce que la classe ouvrière est prête aussi, peut-être, et qui dirige la classe ouvrière dans cette prise de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une des différences entre ce qu'on a appelé plus tard le marxisme. Hein. Le mot n'existe pas, d'ailleurs, à l'époque où il est pour désigner les marxistes d'une façon un peu péjorative de la part du camp anti-autoritaire. Ça, c'est aussi une question de vocab qui est intéressante. Mais en tout cas, voilà, ce que les marxistes vont développer, comme la maturation de la classe ouvrière, la préparation de la classe ouvrière, etc., c'est pas quelque chose qui est pris en compte chez Bakounine, par exemple. Lui, c'est l'action qui prime, et il n'y a pas cette question de la maturation du moment. La révolution, partout, il y a antagonisme de classe. Voilà, donc il n'y a pas, et c'est même pour Bakounine, c'est au-delà de la classe ouvrière, c'est-à-dire, c'est, en tout cas, de la classe ouvrière industrielle. C'est la paysannerie pauvre, c'est les va-nu-pieds et la canaille. Et c'est donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les radars du marxisme, justement, voilà. Marianne Henkel, sur ce point. Et en particulier sur quelque chose qu'on n'a pas encore abordé et que nos auditeurs ont peut-être en tête, la question de la violence révolutionnaire. Est-ce qu'on a droit, est-ce qu'il est légitime de procéder à la violence en matière révolutionnaire de la part justement de la pensée de Bakounine? On n'a pas évoqué le nom de Netchaïev qui aura été un point nodal de la cristallisation entre Marx et ceux qui le supportent et Bakounine et les premiers anarchistes. Mais néanmoins, cette question de la violence est-elle à l'ordre du jour dans ces années 1870-1872, avant la création à Saint-Imier, donc au congrès de Saint-Imier en 1872 d'une internationale anarchiste? Ben, c'est une question qui se pose de manière récurrente, parce que qu'est-ce qu'on entend par violence? En 1848, on a fait le coup de feu sur les barricades, on a été réprimés. À Lyon, la tentative de commune pour résister à la guerre franco-allemande, c'est sans violence, c'est des réunions, c'est des affichages. On fait le coup de poing parfois dans des grèves ou contre des nervis ou contre des... Mais voilà, c'est le coup de poing. Donc il y a tous ces niveaux. Il est clair qu'à Paris, la commune prend les armes et puis se défend aussi par les armes, et se fait réprimer par les armes. Mais on en est. Il y a un moment, je pense, dans l'idée de Bakounine, où le renversement de l'État devra être d'une manière violente. Alors, violente contre des personnes, contre des institutions, par une guerre, c'est pas défini chez lui. On n'en est pas encore à la théorisation de la propagande par le fait qui sera plus tardive. Non, et puis ça encore, il y a des nuances sur la propagande par le fait dont j'aimerais bien évoquer quelques... Mathieu Léonard. Oui, je pense qu'à l'époque, la question de la violence, c'est la question de la stratégie révolutionnaire. Depuis la Révolution française, c'est une question qui se pose pas simplement, enfin, qui est pas une question spécifiquement anarchiste. Hein. Il y a toute une épopée de régicide durant la première moitié du 19e qui concerne, la charbonnerie, les patriotes divers et variés, les républicains, etc. Tout le monde, même les trade unions, au début de leur use de violence contre les propriétaires, etc. Donc cette question de violence, elle n'est pas spécifiquement anarchiste. Non, elle est révolutionnaire en général. Voilà, elle est révolutionnaire. Et les influences aussi, par exemple les anarchistes italiens qui prônent l'insurrection dans les années 1870, ils sont directement inspirés des moments héroïques du Risorgimento et de figures comme Carlo Pisacane qui a déjà théorisé d'une certaine façon l'insurrection par le fait en disant que il vaut mieux des actions d'éclat que l'instruction populaire. Donc il vaut mieux passer directement d'une certaine façon à l'action directe que de tergiverser dans des congrès pendant éternellement. Marianne Henkel, sur ce point. Mais c'est aussi même ces insurrections italiennes, par exemple, c'est aussi plus de l'action directe, comme vous avez dit, que des régicides ou du terrorisme ou quoi que ce soit. Je pense que l'idée de la propagande par le fait, qui est développée autour de 1877 par des gens comme Kropotkin ou Paul Brousse, les exemples qu'ils prennent, c'est des actions directes. C'est des insurrections, des soulèvements villageois, des occupations de bâtiments publics, des réunions non autorisées, des manifestations interdites. Et où on cherche pas à négocier, on cherche pas à s'allier. Et puis, c'est seulement par la suite que ça s'est un peu rétréci sur l'idée de l'usage de la chimie et de la physique. Et des bombes. De produits subversifs. Explosifs en l'occurrence. Mathieu Léonard. Oui, je veux dire, il y a aussi une question de concept, de contexte, pardon, dans les années 1870. On sort de la Commune qui a été une répression sans nom, hein, de dizaines de milliers de personnes. Donc, tout le mouvement ouvrier et le mouvement révolutionnaire est saisi d'effroi face à cette répression et se dit, bon, bah, on pourra pas se laisser faire la prochaine fois. Il faudra quand même avoir des arguments contre cette répression. Et donc, finalement, mais si on regarde finalement par rapport aux violences du XXe siècle, enfin, est-ce qu'on peut comparer, je sais pas, mais même les violences politiques au sein des mouvements, hein, on parle de l'antagonisme Marx-Bakounine, mais ça n'a pas donné lieu à des assassinats, à des violences physiques comme il y a pu en avoir dans le mouvement entre trotskistes et staliniens, par exemple, etc. Il y a une violence finalement qui a été un peu, il y a un effet loupe sur cette violence-là parce que c'est le début de quelque chose, mais qui n'est pas si sanglante que ça. Finalement. Alors 1872, congrès de La Haye, donc en l'occurrence de l'Association internationale des travailleurs. C'est le début de la fin, pourrait-on dire. C'est peut-être déjà la fin est déjà entamée pour cette première internationale. Et 1872 aussi, c'est le congrès de Saint-Imier qu'on considère généralement, Marianne Henkel, comme étant la naissance d'une internationale anarchiste autour de Bakounine, c'est ça? Autour de Bakounine, c'est beaucoup dire. Non, bah... De nouveau, il ne faut pas lui donner une... Non, mais bien sûr. Bien sûr, c'est un personnage emblématique. Bien sûr, sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu des réflexions et des avances comme ça. Mais lui aussi, c'est son champ du cygne. Saint-Imier, c'est un regroupement des exclus de l'AIT, qui effectivement va s'étioler bien rapidement. Et volontairement, donc, d'une certaine manière, hein, faut... Voilà, quelque part Marx va volontairement. Donc, c'est des forces vives qui sont là et qui ont. Alors, c'est quoi? C'est un petit groupe de jeunes gens, le congrès de Saint-Imier. C'est une quinzaine de personnes qui viennent de Belgique, de Suisse, d'Italie, d'Espagne, de France. Il y a un ou deux vétérans, mais c'est surtout des jeunes gens qui se sont formés dans ces années de l'international et qui ont envie de faire un pacte horizontal. Donc sans conseil général à Londres qui édicte des règlements, mais avec une coordination directe, avec des organes de presse, parce que je pense que tous ces... On n'a pas parlé, oui, de la presse. C'est vraiment essentiel aussi pour le soutien à la Commune de Paris. Ça n'aurait pas été aussi important s'il n'y avait pas eu des journaux ouvriers, des réseaux de correspondance, des lettres et tout ça. Et donc à Saint-Imier, on décide aussi d'avoir un organe de coordination qui sera le bulletin de la Fédération jurassienne pendant longtemps. Donc, la Fédération jurassienne, c'est une scission en Suisse, mais qui est aussi donc c'est un petit mouvement vraiment limité à la région de la Chaux-de-Fonds, entre la Chaux-de-Fonds et Bienne, si vous visualisez ça, et quelques sections ailleurs, avec essentiellement des ouvriers horlogers. Un ou deux intellectuels, mais pas beaucoup. Les réfugiés de la Commune, qui jouent un rôle sans doute important, des étudiants russes ou des militants russes qui se trouvent en Suisse. Enfin, c'est une petite internationale en elle-même, déjà. Donc, ça leur permet aussi de correspondre dans plusieurs langues et tout ça. Alors, à Saint-Imier, ils se rencontrent et il y a deux tendances qui vont cohabiter assez aisément parce qu'ils vont se mettre d'accord sur les principes, mais, il y a quand même la tendance œcuménique, si l'on veut, où on regroupe tous les exclus, tous les gens dont Marx ne veut pas. Et puis, la tendance dont Mathieu Léonard vient d'évoquer quelques personnages, les Italiens qui veulent, sont impatients de faire des insurrections, de changer le monde, donc qui veulent vraiment une internationale anarchiste. D'autres disent, mais c'est prématuré. Tant qu'on peut être resté ensemble, restons ensemble, quitte à ce qu'il y ait des tendances. Mmh. Donc ça va mettre encore quelques années pour que on arrive vraiment à une internationale anarchiste qui va avoir différents épisodes, différents courants aussi en son sein, mais où on va accepter l'idée d'anarchie. Que Élisée Reclus définissait joliment comme l'horizon de liberté que nous voulons pour la société future. Donc l'anarchie étant l'horizon et le mouvement anarchiste étant l'instrument, le moyen d'y parvenir peut-être. Alors on voit tout de même dans ce que vient de dire Marianne Henkel, Mathieu Léonard, que une petite quinzaine à Saint-Imier en 1872, c'est pas l'ensemble du mouvement ouvrier. Et c'est vrai qu'une des questions qu'on peut se poser, on la posera dans les autres émissions de La Fabrique cette semaine, c'est de savoir comment ce mouvement qui avait peut-être une tendance groupusculaire au tout départ, en tout cas va prendre dans le mouvement ouvrier dans les années 1870-1880 et encore plus dans les années 1890, parce que c'est vrai que ce petit nombre de Saint-Imier va croître très rapidement par rapport à d'autres. Oui, alors il y a un mot qui va peut-être faire grincer des dents, mais c'est une avant-garde en quelque sorte, ces gens qui se réunissent à Saint-Imier et qui sont dans les réseaux internationaux, qui circulent en Espagne, qui circulent en Suisse, qui circulent en Italie, etc. Mais le plus important, c'est la rencontre avec des terreaux propices, c'est-à-dire que essentiellement en Espagne, hein, je ne veux pas empiéter sur l'émission qui aura lieu mercredi, mais essentiellement en Espagne, il y a une vraie rencontre avec les organisations, les sociétés ouvrières, avec un état d'esprit aussi hein, de anti-centraliste, etc., qui a cours en Espagne et en Italie d'une certaine façon aussi, puisqu'elle sera assez plus la fédération de l'international en Italie sera assez puissante. Elle comptera, bon, alors les chiffres de l'international, c'est toujours un peu, ça prête toujours un peu à diverses interprétations, mais on estimera à 25 000 les gens qui adhèrent à cette fédération italienne de l'international, qui est donc en rupture avec le comité central de Marx, le conseil général de Marx, et qui prône déjà l'insurrection et des moyens extrêmes. Mais il faut dire une chose, c'est que en Italie, la situation sociale est très chaotique. Hein, c'est les lendemains de l'unification. Mmh. Ce sont pas les anarchistes qui fomentent les émeutes de la faim, les insurrections ouvrières et paysannes. Hein, c'est vraiment un climat social extrêmement dur. Et puis il y a cette nouvelle figure aussi qui va peut-être aider aussi au mouvement anarchiste à se mettre davantage en place. En tous les cas, d'un point de vue théorique, c'est quand même Kropotkin, si on peut en dire un petit mot, qui finalement va faire peut-être la synthèse aussi entre justement Proudhon, Bakounine, Marianne Henkel, une figure importante. Kropotkin arrive dans le paysage un petit peu plus tard. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette poignée de gens à Saint-Imier, c'est des délégués. Oui. Ils peuvent pas venir en masse. Les voyages sont coûteux, bien ils sont sûr. longs. Donc, oui, on sait que même dans les plus grands congrès de l'Association internationale des travailleurs, il n'y avait pas plus de quelques dizaines, voire une centaine de délégués en l'occurrence. Bien entendu, il y avait les gens locaux peut-être, mais en Espagne, il y a déjà des dizaines de milliers de personnes qui sont organisées, qui développent aussi beaucoup de presse, beaucoup de publications. Alors Kropotkin va être probablement un des porte-parole avec Élisée Reclus et un ou deux autres, un des porte-parole principaux de cette idée anarchiste, cette idée qui va être anarchiste-communiste, donc l'idée vraiment de la mise en commun non seulement des instruments de production, mais aussi de la consommation et tout ça. Et ça va être un grand divulgateur. Il va publier des journaux, des brochures comme ça qui seront diffusés à des dizaines de milliers d'exemplaires dans des traductions innombrables et tout ça. Donc il joue vraiment un rôle clé pour le développement. Le propagateur. Ouais. Merci à vous Marianne Henkel et merci à vous Mathieu Léonard. Le temps a passé très vite. Je rappelle que vous avez co-dirigé avec beaucoup d'autres le dictionnaire du Métron sur les anarchistes. Marianne Henkel avec Guillaume Davranche, Rolf Dupuis, Hugues Lenoir, Anthony Laurie dont on rappelle la mémoire, Claude Pentier ou encore Anne Steiner, et puis Mathieu Léonard, que votre livre chez La Fabrique s'intitule L'émancipation des travailleurs, une histoire de la Première Internationale. Alors on continue demain avec vous, Séverine Yatta, et le documentaire que vous avez réalisé avec Véronique Samouilov. Oui, donc sur un personnage et un moment du mouvement anarchiste différent, hein, puisque ce sont les années 20, donc Germaine Berton assassine Marius Plateau de l'Action française, comme une riposte hein, à la violence de l'Action française, comme réponse aussi à l'assassinat de Jaurès. Et Germaine Berton, c'est une jeune femme assez étrange également. Enfin, c'est un parcours individuel qui veut faire un coup d'éclat et ne regrette en rien son acte en assassinant. Ça sera le documentaire de demain dont on écoute un extrait. Telle qu'elle, elle a les qualités de ses défauts. Orgueilleuse, mais d'un courage presque héroïque. Désintéressée, malgré les ragots. Des amants, mais horreur de la prostitution. Elle est, avec ses tares et son courage presque viril, une garçonne populaire. Elle est décrite comme une hyène, assoiffée de sang, une vierge noire. Enfin, en tout cas, effectivement, elle incarne quelque chose qui est en rupture avec les modèles ou l'éternel féminin qui est en vigueur à l'époque. Cinq années de massacre. Nul ne peut évoquer la guerre sans frémir. La France, cette marâtre ignoble qui envoie ses fils crever sur les champs de carnage, est à l'heure actuelle le pays le plus militarisé du monde entier. Génération dont la guerre a hypothéqué toute la vie. Les impressions de la guerre ont retenti sur sa sensibilité. Elle est portée à voir le côté amer des choses. Ouvrier, refuse de travailler pour la guerre. Toi, soldat, déserte et n'obéis pas. C'est une jeune fille, enfin, elle a 20 ans. Et quand elle vient à Paris, elle va du côté de l'Union anarchiste et des groupes individualistes. De juin à septembre 1920, elle, pour survivre, elle vend des petits journaux à la sortie des cafés. Et puis surtout, elle cherche à récolter suffisamment de fonds pour publier une revue qui s'appelle « De l'acte individuel à l'acte collectif ». Pour résumer, elle est pour le terrorisme, en fait, pour la vengeance sociale. Et c'est alors que, dans ma grande et douloureuse angoisse, l'idée me vint de frapper l'un des provocateurs responsables. L'ennemi le plus acharné de la classe ouvrière et aussi l'ennemi de la République. L'aventurier royaliste Léon Daudet. Voilà un extrait du documentaire qu'on pourra entendre demain dans La Fabrique de l'Histoire. Il est signé Séverine Ignatar et Véronique Samouilov et il traite du cas de Germaine Berton, anarchiste des années 20, donc en France. Une femme anarchiste d'ailleurs. Femme anarchiste. Voilà, qui a eu un rôle très important. On en reparlera, j'espère, cette semaine. Voilà, effectivement. Mercredi, on va parler de l'anarchisme espagnol. Et jeudi, nous nous poserons la question de savoir s'il y a eu une internationale anarchiste. Cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. À la technique, nous avions aujourd'hui le plaisir d'avoir Jean-Guy Lamège et à la réalisation, Séverine Cassard.